Yeah. Real shit, yo. Merle mixtape. Alright. Walk long, great race, put that to the ground. I would love to put the council. I die dumb, I need you at my side. You get boys bumping out that best, you die dumb, best son. Edge bounce, get the juice, get by that baby to come. Yeah, alright. Okay, let's get that world contest. His old chokes, pine pop, the fuck, run the kilo bangs, the cup. J'ai pris de la bonne, ce que j'en doute, c'est souvent rien que la gomme. J'rentre dans le rap, fais ce que j'aime, j'm'en fous que ça donne. J'les danse depuis l'époque G.I. Joe. Puis depuis que j'sais que les bébés sont pas avec une cigogne. Qu'est-ce que tu veux maintenant, j'vais aller au bel adjo. Faut que ma chambre soit belle, un peu d'actrice porno. Ah ah, ok, c'est beau, j'fuse le summum. Aucun problème avec le fait de vivre des jus somme. J'ai été fait pour être number one. Walk more, fait plus, c'est pour le death, c'est sur le bar. J'ai le bon des trucs de corse. Attaque comme dans les ruelles sales. J'ai des boys pour faire garde à vers le temps comme personne. Hey, j'pense que t'es juste capable d'allumer les petits guns. Ok, yo, yo. J'ai pas perdu, non, juste pris un break pour mieux viser. Le gun dans la bouche, des yeux au ciel, j'ai l'esprit crié. C'est sûr, j'fais du rap parce que j'aime ça. Yeah, autant que de baiser l'été, la nuit dans un party. Gym, course, club, stay clean. La part nice, pis c'est notre truc, spin, chicks, les habillés. À l'air de feu, quand on fait juste passer. Partout t'es fucked up, nous on trouve relax. Un shake de fou, comme un code interpost. Tu fonces sur nous, t'es celui sur qui on bosse. What's wrong, c'est